بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحمد لله سنقرأ يعني الكتاب للشيخ المؤلف الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله على كتابه التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين. وهذا الكتاب هو يعني شرح لعقيدة الإمامين الرازيين، الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرعة الرازي. وهذا الكتاب برواية ابن أبي حاتم ابن الإمام أبو حاتم الرازي. ويعني سنقوم بقراءة المتن يعني والشرح باللغة الفرنسية، يعني نترجم المتن والشرح باللغة الفرنسية، ثم نقوم بترجمة التعليقات للشيخ زيد المدخلي حفظه الله التي يعني قام بشرحها وبيانها والتعليق على شرحه من خلال الدروس التي أقيمت في الدورة الأخيرة، يعني لدورة الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي التي كانت في جنوب المملكة. يعني فسنقوم بترجمة كل هذا يعني إلى اللغة الفرنسية بإذن الله. فسنبدأ الآن بترجمة الكتاب، وسنقرأ النص باللغة العربية ونترجمه إلى اللغة الفرنسية للغير الناطقين بالعربية العجم الذين لا يفهمون، وسنقوم بترجمة المتن ثم نقرأ يعني الترجمة للشرح. وبعد انتهاء قراءة الشرح في كل باب يعني نقوم ببيان التعليقات التي يعني بينها الشيخ يعني في الدورة. فالحمد لله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه، وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال: أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر ابن أحمد البرمكي رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن مردك ابن أحمد البرزاعي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc on va traduire maintenant l'introduction. L'imam yani Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, fils de l'imam Abu Hatim, yani il explique, et ça a été rapporté bien entendu avec la chaîne, après avoir commencé par le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ensuite il y a la chaîne de transmission jusqu'au fils de l'imam Abu Hatim qu'on a mentionné, qui s'appelle Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala soit heureux de lui et satisfait de lui. Il dit qu'il a demandé à son père, c'est-à-dire l'imam Abu Hatim ar-Razi, et à l'imam Abu Zur'a ar-Razi, hein, que Allah soit satisfait de tous les deux, au sujet des positions des gens d'Ahl Sunnah dans les fondements de la religion et ce qu'ils ont rencontré les savants dans toutes les villes, yani, quelle croyance ils avaient, ces imams-là, dans toutes ces villes-là. Donc il dit, nous avons rencontré tous les savants des différentes villes, hein, nous avons rencontré les savants des différentes villes de, par exemple, Al-Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et Médine, l'Irak, l'Égypte, Al-Sham, c'est-à-dire la région qu'on appelle Al-Sham en arabe, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, toute cette région-là au complet, ça s'appelle Sham en arabe, et le Yémen aussi. Donc, tous les savants de ces régions-là, et leur position était que la foi est une parole et une action. La foi comprend les paroles et les actions, qui, et que la foi augmente et diminue. Donc ça, c'était le texte de la Aqida des deux imams. Ça commence comme ça. Et ça, c'est le premier point qui est mentionné. La question de la foi, selon Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et le charh de Cheikh maintenant, Cheikh Zayd al-Madkhali, Hafizahullah, il dit, et ça c'est la, les voies de, ce sont, ça c'est la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah dans la définition de la foi. C'est-à-dire que la foi comprend une parole avec la langue. Donc c'est une parole avec la langue, comme les deux témoignages, le fait de dire, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, hein, on appelle ça Ash-Shahadatain, et également les piliers de la foi que le musulman doit dire explicitement, tout musulmane, tout croyant, tout croyante doit explicitement mentionner ces piliers de la foi-là. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, dans un hadith qui est authentique, apporté selon Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, il a dit, il lui a dit, dis, je crois en Allah, puis mets-toi sur la droiture. Donc, la foi, c'est une, hein, ça fait partie de la foi, de dire explicitement, hein, cette parole, et de prononcer ces paroles-là avec la langue lorsqu'on en a la capacité. Alors, ensuite de ça, c'est une croyance avec le cœur. C'est-à-dire que ce que tu dis avec ta langue, tu dois croire en sa véracité avec ton cœur. Et en faisant ça, donc, ton cœur et ta langue sont en harmonie, les deux. Pas de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu crois. Et donc, ta langue confirme ce que ton cœur croit, hein, confirme la véracité de ce que ton cœur croit. Et yani, donc c'est ça, ton cœur est en accord avec ce que ta langue prononce au sujet de la véracité de la foi. Ensuite, c'est une action avec le corps, hein, c'est une action avec le corps. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que toute action qui est faite par tes sens et par ton corps, parmi les obligations et parmi les recommandations, les choses qui sont recommandées dans la religion, eh bien, ça fait partie de la foi. Comme par exemple la salat, le jeûne, le hajj, la umrah, le fait de chercher la science, le fait d'appeler à Allah, d'inviter à Allah, le fait de lutter dans le sentier d'Allah, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, le fait de réaliser la méthodologie de la collaboration et de l'entraide dans la piété et dans le bien et dans la piété. Toutes ces choses-là font partie des actions du corps et ça fait partie de la foi. Et également, le cheikh il dit, et ça augmente avec l'obéissance et ça diminue avec le péché. Donc la foi, selon les principes, les quatre principes qu'on vient de mentionner, selon Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, hein, la foi donc elle augmente et elle diminue. Et elle augmente avec les bonnes actions, selon les différentes catégories d'actions qu'on peut faire, que ce soit des catégories d'actions apparentes ou des actions cachées, ou des paroles ou des gestes qu'on pose, et elle diminue par les péchés qu'on fait, soit des péchés apparents ou cachés, qui sont dans les paroles ou dans les actions. Hein? Donc, toutes ces quatre règles ou ces quatre principes à propos de la définition de la foi sont des principes sur lesquels les gens d'Ahl Sunnah se sont mis d'accord parmi les premiers d'entre eux et les derniers. Ils sont tous d'accord sur ce principe-là et ils n'enlèvent rien à cela. Ils n'enlèvent jamais rien à ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pour eux quelque chose qui est complet et qu'on ne peut pas enlever un des éléments qu'on a mentionnés. Celui qui enlève un élément des choses qu'on a mentionnées, alors il est dans un danger par rapport à sa foi. Celui qui est sauvé du danger par rapport à la foi, c'est celui qui dit que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Parce que les actions entrent toutes dans la définition de la foi. Que ce soit la salat, le jeûne, la lecture du Coran, le fait d'ordonner le bien, le fait de faire des aumônes, la charité, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là font partie des bonnes actions et des actes de bonté qu'on peut faire, comme on l'a mentionné. Et elle augmente avec les bonnes œuvres, avec les actes d'obéissance qu'on fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans les versets, comme le verset 20, le verset 2, pardon, dans Surat Al-Anfal. Et lorsqu'on leur récite nos versets, cela augmente leur foi. Donc la récitation du Coran, le fait d'écouter le Coran, c'est une adoration, une obéissance, et cela fait augmenter la foi, parce que c'est une obéissance qu'on fait lorsqu'on le fait. De même que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Fath, le verset 4, « لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ » pour que s'ajoute de la foi à leur foi. Et donc, le cheikh, il dit donc, c'est-à-dire que le fait d'écouter les versets d'Allah, les textes du Coran, de la Sunna, les exhortations et les paroles qui nous incitent à faire le bien et qui nous font peur de faire des péchés, tout ça, c'est des choses qui font augmenter la foi. Et également, qui diminuent, la foi, elle diminue avec les péchés. Donc, il faut également croire en ça aussi. Et que ça fait partie de la définition de la foi. Que la foi augmente avec les obéissances et diminue avec les péchés. C'est-à-dire que les péchés qu'on peut faire, elles diminuent notre foi. Peu importe que ce soit des péchés apparents ou des péchés cachés, tout ça diminue la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Nul ne commet l'adultère alors qu'il le commet, alors qu'il est croyant. Et nul ne boit l'alcool alors qu'il le boit et alors, en étant croyant. C'est-à-dire en ayant la foi complète. C'est-à-dire au moment où la personne fait le zina, il n'a pas une foi complète. Et au moment où celui qui boit de l'alcool le boit, il n'a pas une foi complète. Et il dit, et le voleur ne vole, nul ne vole alors qu'il vole, alors qu'il est croyant. C'est-à-dire que le voleur, au moment où il vole, il n'a pas une foi complète. C'est ça que le cheikh explique. Et kamilul iman. C'est ce qu'il dit. Et ensuite, il dit, ça c'est la position de Ahl Sunnah al-Jama'a avec les diverses preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Il dit ensuite, et les gens de la bid'a ont défini la foi par différentes définitions et elles sont toutes erronées et fausses. Et il commence à mentionner les exemples des gens de bid'a et des sectes qui ont dévié dans la foi. Il dit, il y a l'exemple des Murji'a al-Jahmiya. Murji'a al-Jahmiya, et eux, ils ont considéré que la foi, pour eux, c'était uniquement de la connaissance. La connaissance du cœur, et ça suffit pour eux. C'est-à-dire que pour eux, toute personne qui a reconnu ou qui a connu Allah par son cœur, alors il est croyant avec une foi complète. Et ça, c'est une parole qui est fausse, totalement. Parce que Iblis, il connaissait Allah avec son cœur. Et il le dit explicitement, hein, dans le verset 36 dans Surat Al-Hijr, hein, le diable, il connaissait Allah avec son cœur. Et il le dit dans le verset, dans Surat Al-Hijr, le verset 36, il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Donc ça, c'est la preuve, hein, que, il connaissait Allah, hein. Et selon la parole de cette secte, les Murji'a al-Jahmiya, eh bien, on devrait dire dans ce cas-là que Iblis a la foi complète, hein, et que tout pervers, mécréant, qui reconnaît son Seigneur, hein, qui reconnaît son Seigneur, alors on devrait dire de lui, tout mécréant, tout pervers qui reconnaît son Seigneur, on devrait dire de lui qu'il a une foi complète selon les Murji'a al-Jahmiya. Ensuite, le Cheikh il dit qu'il y a une autre secte également qu'on appelle Al-Karramiya. Et Al-Karramiya, c'est des gens qui ont dévié dans la définition de la foi. Ils disent que la foi, c'est une parole avec la langue. C'est-à-dire que si quelqu'un prononce la foi avec sa langue, hein, et il dit avec sa langue qu'il est croyant, alors, selon eux, il est croyant avec une foi complète. Et ça, ça impliquerait que même les hypocrites seraient des croyants. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé à leur sujet dans le Coran qu'ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer à cause de leur mécréance. Hein? Et on devrait dire à leur sujet, donc, dans ce cas-là, selon la croyance des Karramiyyah, que ce sont des croyants avec une foi complète. Et ça, c'est une parole fausse et un égarement évident. Et ça implique également que... Pourquoi? Parce que ça implique également que, comme on a précédé, que les pires des créatures, c'est-à-dire les munafiqoun, qui sont les pires des créatures, seraient des croyants avec la foi complète. Ça, c'est complètement faux. Une autre secte, parmi les gens qui ont dévié par rapport à la foi, c'est les Mu'tazila. Les Mu'tazila, eux, ils ont dit que la foi, c'est une parole, une croyance et une action. C'est-à-dire que pour eux, la foi, hein, elle n'augmente pas, et elle ne diminue pas. Elle n'augmente pas avec les bonnes actions et ne diminue pas avec les péchés. Pourquoi? Parce que pour eux, la règle, c'est que toute chose ne peut se diviser. On ne peut rien diviser. Hein? Les choses n'acceptent pas qu'on les divise. On ne peut pas rien diviser. Donc, pour eux, une foi, il n'y a qu'une foi complète. Les choses ne peuvent pas se séparer ou se diviser. Hein? Soit que tu as une foi complète ou que tu n'as pas de foi du tout. Il n'y a pas une foi qui est affaiblie ou diminuée et une foi complète. Non. Pour eux, il n'y a que soit une foi complète ou pas de foi du tout. Et donc, les Mu'tazila, ils ont dévié et ils se sont égarés de la position correcte qui est la position d'Al-Sunna al-Jama'a. Et il dit ensuite le Cheikh et les Asha'ira et ceux qui sont avec eux. Hein, ils font partie aussi des gens qui ont dévié à propos de la foi. Ils disent que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance et une croyance. Donc, une parole avec la langue et une croyance. Et il y a des divergences entre eux là-dessus. Hein, il y a une divergence entre eux là-dessus. Le Cheikh, il dit ensuite, mais ils ne font pas rentrer les actions dans la définition de la foi ou dans ce qu'on appelle la foi. Donc, leur parole, elle implique que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Parce que la foi, elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les péchés. Hein? Donc, si l'action ne fait pas partie de la foi, ça veut dire que selon les Asha'ira et ceux qui sont d'accord avec eux, que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. hein, malgré qu'ils sont d'accord avec les gens d'Ahl Sunnah sur le fait que les bonnes œuvres yani ont comme conséquence la récompense pour les actions que tu fais et les bonnes actions que tu fais et que les mauvaises actions ont comme conséquence un châtiment. Mais ils ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'ah dans la définition complète et globale de la foi. Et ça donc c'est le résumé, un résumé de la recherche au sujet de la question sur la réalité de la foi en résumé. Donc ces gens-là, hein, les Murji'a, yani, que ce soit les Jahmiya ou les Karamiya, donc eux, ils ont une irja qui est sévère, hein, et très, très grave, parce que leur irja est extrême, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas considéré l'action de, comme faisant partie de la foi, ni de près, ni de loin. Tandis que les autres sectes qu'on a mentionnées, ils sont tombés dans, aussi dans l'irja, et ils ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'ah dans leur méthodologie fondamentale, hein, qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Hein. Donc, ça, c'est ce qui a été dit dans le Sharh du Sheikh au sujet de la parole des deux imams par rapport à la foi et dans le dernier séminaire qui a eu lieu yani, cette année en 2013 en 1434 dans le sud de l'Arabie Saoudite dans la ville de Samita, le séminaire de l'imam Abdullah Al-Qara'awi yani, il y a eu donc parmi les cours qui ont été donnés le cours de Cheikh Zayd qui explique ou donne quelques commentaires sur ce livre-là. Et donc, ça a été donné en 10 cours, hein, où un des élèves du Cheikh lisait le texte de la Aqida des deux imams avec l'explication de Cheikh Zayd. Et à la fin de cette lecture, le Cheikh faisait quelques commentaires pour résumer et clarifier certains points. Donc, on va maintenant traduire les commentaires que le Cheikh a fait au sujet de cette aqida et de son charh. Donc, on va commencer tout de suite. Je traduis maintenant simultanément, c'est-à-dire j'écoute les paroles du chef et je vous traduis en même temps ce qu'il dit. Donc, le chef, il commence, il dit « Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ». Et il dit wa ala alihi wa sahbihi, c'est-à-dire paix et louange à Allah et paix et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, le sujet, on parle de la foi. Et vous avez entendu dans le charh la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah dans la définition de la foi et de sa réalité. Et les sectes qui ont dévié dans cette question-là et qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et qu'est-ce qui est important? C'est de connaître la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'ah au sujet de la réalité de la foi avec les exemples du Coran et de la Sunna dans ces questions-là. Et les gens d'Ahl Sunna l'ont défini en suivant et en relisant les textes du Coran et de la Sunna en disant que c'est hein, que la foi c'est une parole avec la langue. Et ça c'est clair. Un est de prononcer les deux shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça, c'est de la foi. Et toute bonne parole également, ça fait partie de la foi. Et on a mentionné de la part de certains d'entre les salafs également, je crois en Allah. Et ce qui a été rapporté ou ce qui a été amené de la part d'Allah. Donc je crois en Allah et de ce qui a été rapporté d'Allah. Et selon ce que Allah a voulu de ces paroles-là et de ce qu'il a révélé. Et je crois en le messager d'Allah et ce qui a été ramené du messager d'Allah selon ce que le messager d'Allah a voulu de ses propos. Donc ce sont des propos et des points qui englobent beaucoup d'éléments et beaucoup de choses. C'est des paroles générales qui sont en accord avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc la définition, comme vous l'avez entendu, c'est une parole avec la langue, pour commencer. Donc pour celui à qui Allah a donné la faveur d'être capable de parler avec la langue. Et celui à qui Allah, par sa justice et par sa sagesse, lui a retiré cette grâce, eh bien, il prononce cette parole, yani par son cœur. Et il croit à cela dans son cœur. Et ce sera comme s'il avait prononcé ça avec sa langue. Et il croit, et une croyance du cœur. Donc la foi, c'est une parole avec la langue et une croyance du cœur. C'est-à-dire que ce qu'il dit avec sa langue, il y croit avec son cœur. Donc c'est ça, il croit avec son cœur à ce qu'il a dit avec sa langue. Et que c'est la vérité et la sincérité. Et lorsqu'il témoigne des deux témoignages, et qu'il prononce les textes du Coran et de la Sunna, alors là, lorsqu'il a complété les quatre conditions, les quatre règles qu'on a mentionnées, il a complété la définition correcte de la foi. Une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Toutes les actions que les musulmanes font, toutes les actions qu'ils font avec leur corps, les paroles, les actions, qu'elles soient apparentes ou cachées, tout ça, ça fait partie de la foi. Et on appelle ça foi. Et on n'a pas le droit de s'écarter de la réalité de la foi. Donc c'est ça la réalité de la foi. Et ça augmente avec les bonnes œuvres, les actes d'obéissance, et ça c'est clair dans le Coran. C'est explicite dans le Coran. Et explicite aussi dans la Sunna, à ce sujet-là. Allah, Azza wa Jal, il dit, pour que de la foi soit ajoutée à leur foi. Donc ça prouve qu'il y a une augmentation ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en ce qui concerne ceux qui ont cru, cela leur augmente de la foi, ou les augmente en foi. Comme fazadatum imanan. Et yani, Allah leur augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc les textes de la Sunna sont clairs et sont nombreux à ce sujet-là. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui commet le zina, il n'est pas croyant au moment où il commet le zina. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, sa foi n'est pas complète. En commettant le crime de l'adultère, il ne sort pas de la foi au complet, excepté s'il l'a rendu halal, il le déclare permis là. Il considère que le zina c'est halal, dans ce cas-là il devient mécréant. Mais tant qu'il ne l'a pas يعني الشيخ dit que c'est selon le consensus. Tout le monde est d'accord que s'il le rend halal, devient mécréant. Mais tant qu'il considère que le zina et que tous les autres péchés qui ne sont pas des actes kufr, des choses de kufr, que ce sont des péchés, alors dans ce cas-là, c'est un croyant avec une foi faible. Et celui qui est un croyant et qui est éloigné, ou qui s'est éloigné des grands péchés, celui-là, il est un croyant avec une foi complète. Et c'est pour ça que les ulama ont dit, au sujet de la réalité de la foi, que c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, et une action avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Ça, c'est la définition de la foi. Et ça, c'est la parole de vérité qu'il faut suivre absolument. C'est ce que les imams de l'islam ont écrit pour nous, les grands imams. Ceux qui ont compris les textes du Coran et de la Sunna de la bonne façon. Et il y a de nombreuses sectes qui les ont contredits, qui ont opposé ces imams-là. Et à leur tête, il y a les Murji'a al-Jahmiya. Et ce sont des extrémistes dans cette opposition-là qu'ils ont. Ils ont dit que la foi, c'est juste le connaître avec le cœur. Celui qui connaît son Seigneur avec son cœur, c'est le croyant avec la foi complète. Même s'il n'a jamais implémenté un seul ordre d'Allah et qu'il ne s'est jamais abstenu de faire une interdiction. Et ça, c'est à la limite de la fausseté. Parce que Allah Azza wa Jal a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah, il a expliqué la sagesse d'avoir créé les hommes et les djinns et que c'est pour l'adoration. Donc où est-ce qu'elle est l'adoration selon les Murji'a al-Jahmiya extrémistes? Donc pour eux, la croyance, c'est, l'adoration, c'est juste de reconnaître, de dire que oui, c'est vrai, hein, je reconnais avec le cœur. Et aucune action, ni dans les paroles, ni dans les actions. Et aucune action rentre dans la réalité de la foi pour eux. Leurs paroles, leur position à ce sujet-là, elle est dans, yani, à l'extrême de la fausseté et yani, de qu'est-ce qui est incorrect. Même le commun d'entre les gens, il sait que ça c'est faux. Celui qui dit, qui fait aucun ordre, qui ne respecte aucun ordre d'Allah, qui ne s'écarte d'aucune interdiction d'Allah, que lui, il n'y a aucun bien en lui. Hein, tout le monde est d'accord là-dessus, même le commun d'entre les gens. Et qui ne fait pas partie des gens de l'islam. Hein? Allah a dit, hein, agissez, faites des œuvres. Hein? Et yani, parce que Allah va voir ce que vous faites, hein, et son messager, et de même que les croyants. Et en opposition à ça, il y a une secte qu'on appelle Al-Karramiya. Ibn Karram, c'était leur chef. Ils ont dit que la foi, c'est une parole avec la langue seulement. Celui qui parle avec sa langue, qui prononce des paroles, même s'il contredit avec sa foi, mais il contredit dans son cœur cette parole, et qu'il n'a rien fait comme action, pour eux, il est croyant avec une foi complète. Du moment qu'il le dit avec la langue. Et ça aussi, c'est une parole complètement fausse et complètement fut-elle. Et le commun d'entre les gens, il sait que ça c'est complètement faux. Sans parler des savants et des étudiants en sciences islamiques parmi eux. Et il y a une autre secte qu'on appelle les Asha'ira. Et une autre qui est semblable, on l'appelle Al-Kullabiyya Al-Maturidiyya. Ça, c'est des sectes qui ressemblent aux Asha'ira, hein, qui sont dans la même catégorie. Ceux-là, il y a parmi eux des extrémistes, des roulates, et il y en a d'autres qui sont moindres que les extrémistes. Donc, il y a deux catégories parmi ces groupes-là. Les extrémistes d'entre eux ont défini la foi. Les extrémistes d'entre eux ont défini la foi par la même chose que ce que les Murji'a al-Jahmiya ont défini la foi. Donc, ils ont la même définition que les Murji'a al-Jahmiya, ceux qui sont extrémistes parmi les Asha'ira, les Maturidiyya et les Kullabiyya. Ils ont dit que la foi, c'est uniquement de reconnaître quelque chose avec le cœur. Et que du moment que tu as reconnu avec le cœur quelque chose que c'est vrai, alors pour eux, ça suffit, t'es croyant. Donc ça, c'est les extrémistes parmi les Asha'ira. Et parmi eux, il y en a qui ont ajouté la parole à la foi, à la définition de la foi. Donc en plus de reconnaître avec le cœur, ils ont rajouté la parole avec la langue. Mais ils ne rajoutent pas les actions. Donc ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Ils ont séparé les actions du corps de la réalité de la foi. Et leur croyance, elle est fausse, elle est corrompue. Les extrémistes d'entre eux, de même que les autres qui sont associés à eux également. Leurs croyances sont fausses aussi. Ils sont dans l'Irja, ils sont dans la secte des Murji'a aussi. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Que toute personne qui contredit la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la réalité de la foi, il tombe dans l'erreur. Peu importe que ce soit Al-Irja grave et sévère, ou bien Al-Irja qui est moins grave, tout ce qui est en opposition avec la voie d'Ahl Sunnah et qui tombe dans, en dehors de la voie d'Ahl Sunnah Jama'a, il tombe dans qu'est-ce qui est mal. Et celui qui tombe dans cela, il se fait du tort à lui-même et de l'injustice à lui-même. Non. Et c'est soit une injustice qu'il fait à lui-même qui le fait sortir de la religion, ou bien quelque chose, une injustice qui est moindre que cela selon la contradiction qu'il a. Donc comprenez la règle très bien, la définition d'Ahl Sunnah al-Jama'a de la foi et les autres définitions aussi qui sont mauvaises. Et celui qui apprend le bien, celui qui apprend le bien pour l'appliquer et qui apprend le mal pour s'en protéger, il va être sauvé par la permission d'Allah. Et donc voilà qui complète le premier cours au sujet donc de l'explication de la aqida des deux imams al-Raziyyan. Alhamdulillah Rabbil Alamin.